Yo, écoute ma merde, rien à perdre, je me démerde. Place verbe, acerbe, si t'aimes pas, je t'emmerde. Trappe le mic, fous la merde dans la partie. Façon d'oualet, plus populaire que Tati. Je m'amène, avec mes 10 000 balles par semaine. Je suis l'homme invisible, brûle comme un fumigène. Flotte sans, flingue les cœurs par derrière. Kidnappe le juge, assassine le maire. Mots et métaphores frappent ton bide. Mais mon style t'éclate les fesses comme des hémorroïdes. Je rime fêlé, tech et style emmêlé. L'année m'a révélé, j'ai explosé ta télé. Ridiculise ton poste sans utiliser d'armes. Extra, extra, lost text et fais le drame. Dani Dan, je m'exclame. Déchire, coup de pression, bah, un MC vient de mourir. Rien à pire du putain de foot, des mecs qui jacquent. Toutes leurs paroles surveillent, viens te battre, je veux des actes. Micro de platine nous suffit. J'ai plein d'arguments pour te dire. Le premier, nous pas ta gueule quand tu sais pas qui tu vises. Deux, ton attitude est chieuse. Regarde-moi dans les yeux si ta parole n'est pas pieuse. Sinon creuse ta tombe, fonde. Surveille bien les muqueuses de celles que tu appelles ta bombe. Mais qui comme toi n'est qu'une chose de vos orcies. Sombre MC, bombe, rime, exposeur de. On m'appelle le psychopathe car j'apporte des ordres. Sur scène, j'assure sainement comme vous saigne. Seulement MC, oui aujourd'hui c'est la haine que j'enseigne. Si son style se promène dans mon crâne. Si me monte, faut mal à la tête, prends donc un dos. Un petit anxi et si talentueux que l'un petit anxieux et toi si t'as envie de rester en vie vieux, provoque pas le silencieux. T'as pas le ton test, pas le titan. Pas que sur le mat on reste là, ce n'est que la mi-temps. Magnifique, je fais partie du beat de boule en cristal. J'ai pas les flics, mon hobby, tu es les faux. Je rends hommage à tous mes frères, issus de la terre, aux mères. Laissez-vous bercer par la musique du frère qui s'en va en guerre. Père, donne-moi la vie dans mes yeux. Donne-moi la force pour pas venir à l'accomplissement de mes vœux. Yo, quoi de neuf, tu veux du rap. Pas la peine d'apparaître dur sur le beat. Dans la mélodie, puis Sarah Kim et Eric B. Yo, tu remues les foules comme un sage, toujours en folie. Tu veux rapper mais tu n'as pas les bases. Écoute toutes les frères à qui je rends hommage. Zilis Oxy, à nouveau fort sur le maxi. Affame les frères jusqu'à l'anorexie. Dandy Bandit Dan, technicien dans l'âme. Abuse des femmes comme l'accro pour sa cam. Mais c'est trop dur pour toi si tu penses aller de l'avant. Tu déplaces ton style comme on déplace des éléments. Bouyaka, l'ambiance est cool, chat. La route est longue pour les mecs sans nous. Chaco, puis sur ta pure au slide et haut. Ne baisse pas les bras, c'est un conseil de mélophilo. Je fuis les faux comme il faut. Mon poisson est le symbole et je n'ai pas peur de l'eau. Comme une flaque, j'éclabousse les figures. Et je ne perds pas mon temps contre les esprits qui ne sont pas mûrs. Tu veux tester un négro sur le micro. Moi je te flingue en solo. Tu veux estimer ma côte, fais un panel. Et tu verras que les plus proches auprès de moi sont les demoiselles. Fais le frappe sur le beat, passe le mic à Booba. Et yo vas-y kick ça. J'arrive en force, négro, je t'arrasse comme de l'écorce. Corse mon style balèze, regarde mon torse. Pompé, ne cours pas, tu risques de tomber. Si tu m'as pompé, pauvre con, tu t'es trompé. Lasse-moi la grappe, avec tes conneries ou je t'attrape. T'enferme dans une trappe, ta tasse et puis te frappe. Tu sais qui c'est, Booba, comme ça qu'on m'appelle. B2OBA, c'est comme ça mon gars que ça s'appelle. Je prends toujours mon souffle pour récupérer mon oxygène. Et je suis psycho comme l'homme qu'on appelle l'oxygène. Je brûle comme un fumigène, tu sais qui me gêne. Pas de blême pro, appelle-moi le schizophrène pro. Vas-y négro, check mon intro. Je te brûle sur scène ou en impro. Je suis le plus synchro. C'est comme ça que ça se passe, il est sage pour moi. Tout le monde dans la rue, tout le monde dans la rue. C'est comme ça que ça se passe, il est sage pour moi. Tout le monde dans la rue, tout le monde dans la rue. C'est comme ça que ça se passe, il est sage pour moi. À la pelle, les traces de merde sous les semelles. On a grandi dans les larmes versées par nos mères implorant le ciel. Lorsque le vice nous harcèle, à force que nos vices tracent seuls. L'abstraction du monde externe en somme. On s'y perd forcément, je pense c'est le bordel. C'est la course contre la montre quand le temps est mortel. Faut chercher la faille pour se la faire, hein, y'a pas plus fort qu'elle. Trouver la maille c'est s'enfuir pour des terres plus fertiles. On rêve de se la faire belle, qui fait les nuits festives. Marre des décors précaires, distants de tout prestige. Mais vulnérables comme des gosses en bas âge. Ils nous ont bernés quand on pensait que c'était qu'un passage. Tout le monde nous guette, piégés, les issues nous sont fermées. À leurs yeux on est tous mort-nés. Et ils se donnent bonne conscience chaque soir devant le JT. Mais on n'a pas besoin de leur pitié. Rien à faire des barèmes. Vu que je suis venu pour tout niquer dans l'arène. Nique les nobles, snob, respect aux gens sans humbles. Et ceux qui font gonfler leur solde restent enceintes. Rien à faire des barèmes. Vu que je suis venu pour tout niquer dans l'arène. Et rien à faire de ce que les gens disent. J'ai essayé de plaire, aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Qu'on s'adapte à la situation, business de proximité. Toujours prêt à l'action, en quête de prospérité. Ici à tout ça va du shit au caleçon. Reste dans ce cred où les schmitts te font vite la leçon. Façon à te faire porter le chapeau. Quand ils nous montent du doigt, tout le monde nous mate et dans leur dos. Ils se disputent le gâteau, ils nous mènent tous en bateau. Depuis longtemps et nous on se tape pour se faire entendre. Qu'on se tape pour se défendre, je sais pas. On va pas porter tous les problèmes de la nation sur nos épaules. Lâcher les immigrés, on a trop eu les seconds rôles. J'suis pas la cause du problème, juste leurs erreurs qui se répercutent. Arrête ta fuite, y'a du grand monde sous nos halls. Rien à faire des barèmes, vu que j'suis venu pour tout niquer dans l'arène. Nique les nobles, le snob, respect aux gens sans préhumble. Et ceux qui font gonfler leur solde restent enceintes. Rien à faire des barèmes, vu que j'suis venu pour tout niquer dans l'arène. Y'a rien à faire de ce que les gens disent. J'ai essayé de plaire, aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui j'en ai rien à foutre. En scred, rien à foutre. 2002, baisse bas, baisse bas. Tu connais le boulevard. C'est la face cachée, ils sont peu nombreux. Et sur le monde est de plus en plus nombreux. C'est nous contre eux, on va les contrer. Il faut leur montrer qu'ils savent pas qui on est. Yo, yo, le buzz est barbeux des notes comme Anna. Je suis une menace tout en la salle. Je calme, je me le balance, mon style prend la putain de basse dans ta face. Mais pour le zig, ma puissance explose. Bougez, bougez, vous les l'onceau, la destruction je cause. Regarde, je vais se posséder de la force d'un dragon. Je suis nuisible autant que les pour les insectes levés. Donc si tu veux que l'on soit compact, signe avec moi ce pacte. Sauto pour moi, je te donne du son, passons à l'acte. Tu en veux plus, eh bien je t'offre ma sauce. Je tape, je tape, je suis un putain, putain de l'os. Check mon concept, je pique comme un moustique. Y'a panique. J'ai pratique, ma putain de tête. Y'a fait que fais comme un effort, comme l'autre javel, je laisse des traces. J'écrase, comme Ichi et Scratchy, mes phrases sont pleines de phases. Je maîtrise la technique de l'éclipse. Je fais de l'ombre, protège tes yeux si tu me fixes. Je cause pas le temps de prendre de pause. Je pose aux possèdes comme Freezer le don de la métamorphose. J'attaque, j'ai des pouvoirs néfastes. Comme le crack, j'éclate ma race. Je pose des putains de bombes. Je grave sur ta tombe. Mes lyrics, si tu succombes, faut que ça bouge. Y'a ou pas de mes faciers, faut que ça bouge. Comme tu bouges sur une pétasse. Faut que ça bouge. Donc je bouge avec les notes. Faut que ça bouge. J'annonce mon retour faisant bouger la cour par ma puissance. Comme les chevaliers du Zodiac, j'ai hâte. Dans le septième sens, admire comment je brille. Et puis je suis au top. Je combat comme une légère crevaille du cyclope. Yo, je parle. Les lyrics tombent. Viens voir notre chose sur scène. T'as l'impression qu'explose une bombe. C'est sur ce style de musique que je peux aborder mon thème. Je devais développer pour la synthèse que j'aime. Et bien je sonne sec et cartonne. Ne laissons aucune chance avec le son que je donne. Grave, les noms se kiffent et donc se gavent. Toute la foule saute après avoir bien pédave. Oh merde, moi-même j'en bave, je vous le verse. Je file comme une torpille, mon négro zig va suivre ça. Et heureux, putain ta technique me glace. Aussi bonne qu'une glace à Gendaz. Je fonce, comme le tonnerre, je gronde. Je m'anémanie mon douce comme Thierry Mani, ça fonde. Faut que ça bouge, je donc bouge avec les nox. Les dégâts que je cause comme mon lot sont très atroces. Sous ma forme, physique, c'est que se cache une source d'énergie, ma somme mystique. J'explique, je dégage ma rage. Faut que ça bouge, comme un cyclope quand il voit rouge. Je bouge avec les nox, brûle avec les nox. Ne venez vite pas le désastre, suis la devise des nox. Faut que ça. Je veux écraser le sillon parce que les disques ont trop sauté. Je veux séparer le piston parce que les chiffres m'ont trop choqué. Je veux écarter le piston parce que les pitres sont trop côté. Je veux effacer le filon parce que les fluides ont trop flotté. Flottant dans un ruisseau, je serai respectueux, trop grand. On mise un autre niveau qu'on se tape dans un torrent. Je vois que des torrents du sud au nord, du nord au sud. La chute est rude et on devient trop arrogant. Mec, change pas ton attitude, s'il y a danger de voir un monde cru. Le danger, c'est le monde brut, c'est pas d'y voir un homme cru. Cruel comme les parcs cruels, rempli de craques et duels. Ça donne aux sciences du fuel, mauvais sont les comptes rendus. Je veux déformer les courbes, je veux les dessiner bien lisses. Pour être l'exception lourde qui confirme leur grosse liste. Liste d'attente, tu l'as depuis l'heure, t'apenses. On passe des portes de la pente, des rounds et des ostages que j'arpente sans fils. Tous bloqués dans les réserves, parce que la cité préserve. Pour qu'aucun de tes potes s'élève, qu'aucun bourgeois ne s'énerve. Tout dans l'addiction, parce que la vision rend fou, mon ami. Pire que la fiction, parce que la fiction prend tout dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Pire que la fiction, parce que la fiction prend tout dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Ma rage s'excite comme un concert de hard rock. Mais c'est technique et fluide comme un combat de hard rock. Tirer sur la vie pour pas que la vie me crapote. Et être plus près du vide mais un peu plus loin de la carotte. Je vise sur le long terme alors je le vise par amour. C'est prendre le vice par derrière sans le besoin de faire le détour. C'est laisser les démagogues fermer les gueules dans leur parcours. Mais par les vérités fermer leur gueule pour toujours. Je saute dans un monde vicieux, ça reste lourd, formel. Squatte le vice dans son milieu parce que j'aime trop son bordel. Une vie en couleur, dimension réelle. Sans écran, sans censure, je prends le relais pour vos oreilles. Pensant à faire impossible. Et si on croit que je plane, mec, si un jour je touche ma cible, appelle-moi Superman. Tout dans l'addiction, parce que la vision rend fou, mon ami. Plus loin que la fiction, parce que la fiction prend tout dans la vie. Pour l'instant, ma rage n'est perçue que par les tympans. Je rage de me voir dans la troupe alors je pars en grimpant. La vie un film d'action, je ris d'en être un acteur. Le rappeur qui a pas peur, cela joue héros amateur. À ma poursuite les méchants, leur pouvoir trop alléchant. Et moi errant là, prêchant avec juste mes yeux séchants. Mes forces toutes unies, même les malsaines. Je suis au point force, puis du Larsen. Je punis même quand c'est pas la peine. Esprit sadique à nourrir, à force d'avoir la pression. La bouche ouverte fait que sourire avant de commettre l'agression. Blague à part, pro humain parce que tout homme n'a pas sa part. Parce que bien trop humain, certains se l'accaparent. Alors ami auteur, viens faire un tap de 10 auteurs, j'crie moteur. Mon cerveau appelle ça être mijoteur. Ce que je mijote c'est plus un secret. Pour aller plus loin je crée. Les envieux voient ma science de loin pour qu'elle en tue un de près. Rien à perdre, je prends tout ce qui facilite ma mission. Je veux devancer le réel comme l'aurait fait la fiction. Tout dans l'addiction parce que ma vision prend fou, mon ami. Pire que la fiction parce que la fiction prend tout dans la vie. Survol fasciné d'un regard volatile. Les secondes filent, les défilés se faufilent. Les défilent, le filtre les minutes. Et personne n'y prête attention. Seul, je regarde, savoure avec passion ce moment magistral où la capitale est sous le voile. Mon esprit met les voiles tranquilles et les exilés, le bloc au-dessus de mon corps. Au-dessus de la ville se rapproche des multiples étoiles qui scintillent. Je me plais ainsi à ce poste d'observateur. Je mets la terre dans la pénombre d'un bon nombre de demeures. Prendre les heures, la pute des ombres qui se déplacent dans la fraîcheur. Approchant la taraxie en évoquant l'ampleur. Aux encéphales à l'écoute, prêt pour l'analyse. Car le style intrigue, fait le vérise et paralyse. Yo! On dépayse de la vocalise habituelle, emmenant l'esprit vers les hauteurs spirituelles, où se mêle le raisonnement, les décibels. On puise notre inspiration dans un domaine parallèle. La messe, type par l'emprise de la nuit. Original.